Chapitre 14e, chez Zulma. La morse retourna voir les époux Mélidon. Il eut avec Zulma une longue conversation qui d'ailleurs ne lui apprit rien de nouveau. Elle ne fit que confirmer les renseignements que dès la première entrevue il avait obtenus. Sa conviction, celle de Paulin Broquet et de Gabriel, était faite dès maintenant. Le photographe Grandel était le comte de la Guérinière sous une nouvelle incarnation. Le brave ingénieur des chemins de fer était le magnifique baron Dupont, et cet atelier, si religieusement gardé, si fermé, était bien la nouvelle Barbotière. Donc, Paulin Broquet résolut de tenter une expédition. Il la prépara comme il le faisait généralement, avec les plus grands soins, attribua à ses lieutenants et à chacun des hommes qu'il devait employer le rôle qu'il aurait à jouer, leur donna à chacun sa consigne spéciale, sa ligne de conduite. Les ordres furent d'ailleurs transmis par Gabriel. Gabriel et la morse firent pour ainsi dire répéter leurs hommes. Paulin Broquet ne parut pas. Les lieutenants agirent comme de leur propre mouvement. Pour tous, le chef était absent, absent pour quelque temps. Et comme l'affaire de la Barbotière n'avait jamais été définitivement tirée au clair, les hommes de la brigade de Paulin Broquet, n'ayant plus revu leur chef, ne savaient vraiment que penser. Paulin Broquet était-il mort, comme le proclamaient les aides dans leur conciliabule chez Clafou? Était-il sauvé mais gravement blessé, comme ces hommes, mettant les choses au pire, voulaient l'espérer? Autant de mystères pour eux dont ni Gabriel ni la morse ne se décidaient à donner le fin mot quand on les interrogeait. « Le chef est mort, disait-il, nous avons à le venger. » Car, selon la recommandation de Paulin Broquet, il laissait plutôt entendre que l'on devait venger le chef. Cela pour éviter toute indiscrétion, toute fuite qui serait arrivée aux oreilles des aides, sans cesse aux aguets. Car les aides entouraient les hommes de Paulin Broquet d'une surveillance aussi étroite que celle dont la fameuse brigade s'était fait une glorieuse spécialité. Paulin Broquet était sûr de ses hommes, mais nul ne peut répondre d'une parole de son plus fidèle allié, de son plus dévoué auxiliaire. Ne sachant rien, les hommes de la brigade ne pouvaient rien dire, cela valait beaucoup mieux. Quant à ses lieutenants, Paulin Broquet leur dit de n'accourir à lui que sur un signal, sur un coup de sifflet de modulation spéciale ou au coup de revolver. À part cela, de ne pas bouger, de ne pas chercher à le rejoindre, sous quelque prétexte que ce fût, quel que fût le temps qu'il mettrait à reparaître. Il pouvait se faire en effet que l'expédition se résuma pour le premier soir en une simple étude, n'eut pas plus d'importance en somme qu'une escarmouche, et que l'on dut remettre à un autre jour, à un moment plus propice, l'attaque définitive. Les rôles ainsi compris, chacun ayant son poste bien établi, on n'attendait plus que le choix du soir pour tenter le coup de main. Dans le quartier, les hommes de la brigade de Paulin Broquet, et qu'on appelait généralement les Broquets, se répandirent subitement sous divers déguisements. Ils étudièrent le terrain, allèrent en reconnaissance sur le champ de bataille, et épièrent les allées venues de la maison des braves et confiants époux Mélidon, loin de se douter du genre de locataire qu'abritait leur toit débonnaire. Clafou avait désigné un soir comme date d'une réunion des aides dans le nouveau palais de Zigomar. Paulin Broquet décida d'agir ce soir-là. Vers minuit, Paulin Broquet et Gabriel, vêtus très simplement en ouvrier, après avoir passé leur soirée dans un bar populaire, s'engagèrent avenue de Suffren et se portèrent à l'endroit où Gabriel avait passé sous la pluie des heures très dures. Ils virent se glisser dans une ruelle plusieurs individus. Alors, Paulin Broquet serra la main de son lieutenant. « À tout à l'heure. » Et il s'engagea à son tour dans cette ruelle. Elle conduisait à la palissade qui entourait le terrain vague. Paulin Broquet vit deux ou trois hommes soulever une planche, qui ensuite reprenait sa place et masquait le passage. Ces hommes s'engagèrent avec précaution dans le terrain vague. Paulin Broquet s'approcha de la palissade. Par une fente des planches mal jointes, il put facilement apercevoir ces hommes traverser le terrain vague et arriver au pied du mur formant le derrière de la maison des époux Mélidon. Au deuxième étage, une lumière brilla, puis disparut. Paulin Broquet vit alors descendre de la croisée du corridor, éclairant durant le jour l'escalier de la maison, une échelle de bois. Tout se passait donc encore ce soir comme durant le soir où Gabriel avait suivi les aides emmenant Bipard. Les hommes qui se trouvaient au pied du mur et attendaient depuis un moment cette échelle firent aussitôt l'ascension, puis l'échelle fut tirée. Nous savons qu'elle se pliait et pouvait rentrer facilement dans la maison divisée en plusieurs tronçons. « Bon, » pensa Paulin Broquet, « ils vont commencer leur séance, ils ne se doutent de rien, ne savent pas que nous sommes là, ils ne nous ont pas dépistés, ça va bien jusqu'à présent. » Paulin Broquet en effet pensa, et ce raisonnement pouvait avoir sa valeur, que si les aides rentraient à leur échelle ainsi, c'est que vraiment ils ne soupçonnaient pas la présence de Paulin Broquet dans les environs. Sans cela, ils eussent laissé l'échelle pour tenter non plus Paulin Broquet que l'on croyait bel et bien mort, mais un de ses lieutenants, qui, moins prudent que le chef, serait naïvement tombé dans le panneau, en grimpant lui aussi à l'échelle et en venant se jeter dans la gueule du loup. Lui, bien entendu, n'eut jamais la pensée de pénétrer par ce chemin dans la maison. Il prit donc la rentrée de cette échelle pour un indice de bon augure. Alors, n'ayant plus rien à faire de ce côté, il revint dans l'avenue de Suffren, puis s'engagea dans l'avenue de la Motte-Piquet et gagna finalement la porte de la maison des époux Mélidon. Comme il avait constamment à redouter l'espionnage des Igomards, et qu'il lui fallait sans une défaillance d'une seconde, sans commettre la moindre faute, tenir jusqu'au bout le rôle qu'il jouait, il fit semblant de sonner à la porte. Mais en même temps qu'il laissait croire qu'il sonnait, il glissait une clé dans la serrure de la porte d'entrée. Le lieutenant Lamorce avait eu soin, dans ses visites, de prendre adroitement l'empreinte de la clé. Paulin Broquet en possédait une semblable, qui ouvrit parfaitement et lui permit de faire tourner silencieusement la porte et de pénétrer dans la maison tout tranquillement, comme si le veilleur venait de l'intérieur de lui tirer le cordon. Dans la ruelle sombre, Paulin Broquet, en une seconde, avait changé de costume. Tout à l'heure, c'était un ouvrier qui rôdait autour d'une palissade. Maintenant, c'était un bon petit bourgeois comme ceux que logeait cette excellente Zulma qui venait de pénétrer dans la maison. Paulin Broquet, donc, se trouvait dans la maison dont le grenier, appelé atelier par le pseudo-photographe Grandel, alias comte de la Guérinière, servait de barbotière à la bande de Zigomar. Une fois dans le vestibule, il se tint près de la porte, attendant, écoutant. N'entendant aucun bruit suspect, il pensa que l'ouverture et la fermeture de la porte de la rue n'avaient pas été remarquées. « Bon, » fit-il, « allons. » Paulin Broquet n'était jamais venu dans cet immeuble, mais Gabriel lui en avait fait assez clairement la description pour qu'il s'y reconnût tout de même. D'ailleurs, il ne marchait pas à l'aveuglette. Dans l'escalier se trouvait une petite lampe à essence accrochée au mur, faisant fonction de veilleuse. Et par le bureau des époux Mélidon, qui la nuit servait de chambre à coucher aux veilleurs chargés d'ouvrir aux locataires, il se trouvait également éclairé. Sur le rebord d'une petite fenêtre vitrée, formant une sorte de niche, il y avait également une lampe à essence avec les bougeoirs et les clés des locataires accrochées à un tableau numéroté. Les locataires pouvaient allumer là leurs bougies pour rentrer chez eux. Mais la plupart avaient leurs clés sur eux et ne prenaient pas leurs bougies là. Ils entraient dans leur chambre directement. Paulin Broquet connaissait également ce détail, que Lamorce tenait de Zulma elle-même. Il ne prit donc pas de bougie et passa devant la veilleuse en mâchonnant un nom quelconque. Le veilleur, comme ses collègues, dormait profondément. C'est par habitude, instinct d'un mouvement machinal commun à tous les concierges de Paris, qu'il tirait le cordon au coup de sonnette des locataires sans se réveiller, ou s'il s'éveillait à demi, ce geste accompli, il se replongeait plus profondément dans son sommeil. Paulin Broquet passa donc sans encombre. Son intention en venant ici était non pas de renouveler l'exploit de la barbotière, de commettre encore une fois la même imprudence, car il pouvait compter que cette fois Zigomar s'assurait longuement et sérieusement que son adversaire était mort et qu'il ne lui échapperait pas, en dépit du miracle qui le faisait revenir d'où nul autre n'était sorti vivant. Paulin Broquet, au demeurant, ne se sentait pas encore assez remis de sa première aventure pour tenter à si peu de distance d'engager un nouveau combat. Ce qu'il voulait, c'était de ne pas lancer sa brigade dans une affaire qui pouvait tourner en équipée ridicule. Avant de broqueter, comme on disait, les bandits, il tenait à acquérir l'assurance que le broquetage ne ferait pas chou blanc et que c'était bien les bandits recherchés qu'on allait prendre. Une fois qu'il aurait lui-même vu ce qu'il voulait voir, quand il aurait jugé le moment opportun, il se mettrait à une croisée, donnerait le signal convenu. Aussitôt, tous les broquets, Gabriel et Lamorce en tête, accourraient, resserreraient les trames de la souricière et opéreraient les arrestations. Tout était bien combiné pour cela. Tout était prêt. Les hommes se trouvaient là, attendant seulement le signal pour envahir la maison. Paulin Broquet, donc, glissant comme une ombre, gagna sans peine le premier étage. Il écouta, il étudia le silence, selon une image frappante, puis il se décida à faire l'ascension des marches qui conduisaient au deuxième étage. Au deuxième se trouvaient les chambres du photographe, de l'ingénieur et d'autres qui certainement étaient de la bande de Zigomar. C'était donc pour Paulin Broquet pénétrer dans la zone dangereuse. Après avoir bien écouté s'il n'entendait rien de suspect, il s'engagea dans l'escalier, et une à une, il monta les marches. Il arriva sur le palier de ce terrible deuxième étage. Avant de s'engager sur le palier, il s'arrêta encore, écouta, regarda. Il ne se décida à se remettre en marche que quand il eut acquis la certitude qu'il n'existait aucun danger. Alors il s'avança dans le corridor, puis mit le pied sur la première marche. Vivement, il se retourna pour voir encore si dans le corridor rien ne bougeait, si les portes jusqu'ici fermées qui donnaient sur ce couloir desservant tout l'étage n'avaient pas laissé passer quelqu'un, pour s'assurer qu'on ne pouvait le prendre en traître. Rien n'éveilla chez lui le moindre soupçon. Paulin Broquet reprit donc son ascension. Au milieu de l'escalier, c'est-à-dire au point où l'escalier commençait en tournant à revenir sur lui-même pour achever son évolution à l'étage supérieur, qui était cette fois le grenier, se trouvait une porte. L'amorce la lui avait signalée. Cette porte se rencontrait à chaque étage. Elle était peinte en faux marbre comme le reste de la muraille et ne se signalait que par une clé et deux plaques de propreté en verre. Sans plus insister sur ce qui se trouvait derrière cette porte, on comprend qu'elle était à l'usage de tout l'étage. Paulin Broquet, qui avait toutes les prudences, approcha de cette porte et comme il l'avait fait à celle de l'étage au-dessous, il donna doucement un tour de clé et la ferma. S'il y avait par hasard quelqu'un, ce quelqu'un, assurément en Z, serait prisonnier. Paulin Broquet pensa bien d'abord à ouvrir cette porte pour voir si ce réduit était occupé. Mais dans ce cas, il aurait été forcé d'engager la lutte immédiatement, et l'affaire était manquée dès ce moment. Tandis qu'en tenant l'homme sous clé, si toutefois il y avait quelqu'un, il était plus tranquille. Cet homme se garderait bien de bouger, de donner l'alarme. Ayant donc tourné la clé, Paulin Broquet se remit à monter. Il n'avait pas fait deux pas que cette porte qu'il venait si prudemment de fermer s'ouvrait, que deux hommes en sortaient. Avant que Paulin Broquet pût faire le moindre mouvement de défense, un sac de laine s'abattait sur sa tête, l'emprisonnait. En même temps, on le tirait en arrière. Il perdait l'équilibre, étendait les bras au hasard pour se raccrocher. Il frappait le vide et il tombait. Ses bras étaient aussitôt saisis, ligotés en un clin d'œil solidement, ses jambes de même. Puis il sentit qu'on le prenait par les pieds, par les épaules et qu'on l'emportait. Tout cela s'était passé dans la durée d'un éclair et dans le plus grand silence.